Galerie Est, à 20 minutes des Wish City. Les Baefouiches creusent, les Baefouiches construisent, les Baefouiches s'étendent, et les Baefouiches veulent devenir les maîtres des galeries. Oh, certes, on a déjà eu affaire à des taupes et d'autres bêtes malsaines, mais jamais elles n'ont pu nous repousser. Nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous avons la technologie. Et ça, pour se défendre comme pour creuser, c'est plus que suffisant. C'est le dernier Crosse-ta-tête 3000, le meilleur marteau-piqueur de la série des Crosse-ta-tête, le plus performant. Je vais quand même pas te le prêter, tu risquerais de me le casser. Allez, Friedrich, sois pas vache. Apportez une pelleteuse. On a un gros tas ici. Moi, je suis pas un gros tas, moi. Je parlais de toi. Dis, est-ce que j'avais l'air de parler de toi? Allez, Friedrich, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais rien que 30 secondes, hein. Waouh! Il tient bien en main. Ouais, mais... Il creuse profond. C'est génial. Je ressens toutes les bonnes vibrations de la Terre. Oui, mais attention quand même, parce que... Oh, merde! Oh non, tu m'as pété mon creuse-ta-tête. Enfoiré! Non, mais arrêtez! Arrête! Non, mais laisse-moi plus, là. Il sent la chic et du molard. Il sent la chic et du molard. Il commence à faire drôlement chaud, tu trouves pas? Lui, c'est Booze, mon meilleur ami. Mon seul vrai ami, d'ailleurs. Un Baefouiche qui fait deux têtes de plus que n'importe quel Baefouiche. L'un des creuseurs les plus réputés. Il est fort. Très fort. Oh, j'ai le front qui pleure. Squeak, j'ai le front qui pleure. Mais bon, il est un peu con aussi. Enfin, c'est mon pote. Booze, on creuse ensemble depuis si longtemps. Affronter les foulées boules, ces masses brunâtres et pestilentielles qui tombent dans de ses hauts. Et puis, d'autres dangers encore. Ça va tout le monde ? Quelqu'un avait dû creuser trop fort. Quelqu'un avait dû frapper trop fort. Quelqu'un avait fait vibrer la galerie. Dans les deux plus grands dangers que pouvait rencontrer un creuseur dans sa vie de creuseur, il y avait sans nul doute en première place les foulées boules. Mais celui qui était sans conteste le plus courant, c'était l'éboulement. Booze ! Tu m'écrases ! Oh, pardon ! Booze, mon ami, il avait fait de son corps un bouclier. Il s'était jeté sur moi pour me protéger. Le choc avait été violent, aussi bien celui de Booze sur moi que celui de l'éboulement sur une centaine de Baefouiches. De la poussière, un nuage opaque, peu à peu il se dissipait. Nous étions relevés, brassant l'air de la main. Est-ce que ça va tout le monde ? Y a des blessés ? Je suis médecin ! On est content pour toi ! Tain, on m'a cassé ma jambe. On l'a fait, Friedrich. Il y a des morts, tu crois, Squeak? Je sais pas, mais j'ai entendu un crack. J'ai senti quelque chose sous la plante de mes pieds. Un bras. Salut. Le mourant me regardait d'un œil éteint. Je marchais sur son bras. Pardon, je te marche sur le bras. Non, pas grave. Je sens plus rien. Je peux mourir en paix. Je crois, oui. C'est bien, alors. On peut faire quelque chose pour toi? Ah oui. Peut-être. Vous direz à ma femme que je l'aimais. Au début. Et... Oh merde, j'ai oublié d'éteindre le gaz en partant de chez moi. Et il est mort sans même nous dire le nom de sa femme ni le sien. Déjà, le nuage de poussière se dissipait. Le chaos, des Baefouiches par centaines qui se mouvaient à gare, ramassant leurs frères morts. Oh là là, c'est pas trop le pied. Non. On n'a pas pu dire grand-chose, vous et moi. On n'a même pas pu faire grand-chose. Nous restions là, à gare, à contempler les cadavres portés par nos congénères illuminés d'une lumière divine. Une lumière. J'ai levé la tête. Oh, la lumière. Qu'avait-elle de divin ? Un trou béant au cœur même du grand plafond, notre plafond, le plafond où s'arrêtait le monde des Baefwish. Et derrière ce grand plafond, un autre grand plafond, plus brillant, noir, mais parsemé de milliards de choses brillantes. Un plafond à des milliards de mètres de nous. Le grand plafond avait été remplacé par un plafond plus grand encore. Mon cœur se mit à cogner dans ma poitrine. Ce n'était pas un autre plafond réellement. Pour moi, c'était un autre monde. Baefwish.